Le carnet de philosophie de Géraldine Mosna-Savoie. Géraldine, vous allez nous annoncer une nouvelle importante. Vous avez fini un livre. Oui, Guillaume, et je l'ai tellement aimé. Vous voyez, c'est le genre de lecture où on est à la fois heureux d'avoir ça entre les mains, mais déjà triste qu'un jour cela se finisse. Et c'est précisément là où j'en suis aujourd'hui. J'ai définitivement refermé ce livre hier après-midi et j'appréhende déjà les semaines qui vont venir, pour ne pas dire les mois. Car je le sais, les prochains livres ouverts ne seront jamais à la hauteur. J'aurai beau enchaîner des chefs-d'œuvre ou des romans du même auteur, ça ne marchera pas. Et je vais devoir affronter une sorte de mini-deuil, dire adieu à une intrigue, des personnages, une ambiance. Finir une série que j'ai adorée me fait exactement le même effet. J'ai l'impression d'avoir perdu des amis très proches, comme ça, d'un coup, du jour au lendemain, et rien ne saurait combler leur absence. En revanche, je dois dire que je n'ai jamais connu ce grand vide après un film, ça doit bien exister, mais j'imagine qu'un minimum de 2 heures passées avec les mêmes héros aide à déclencher ce sentiment de perte. Un sentiment tel que j'en suis venue à me dire, et si pour aller bien, il valait mieux renoncer à cette forme de plaisir esthétique. Oui, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un lien avec Madame Bovary, ça vous dit quelque chose ? Oui, je vois très bien, c'est cette femme qui est déprimée parce qu'elle lit des romans mieux que sa vie. Oui, je vois, mais non, je ne suis pas en plein bovarisme, je ne suis pas insatisfaite de ma vie et je ne rêve pas d'un autre destin. Quoiqu'en ce moment, c'est vrai, on pourrait jalouser tous ces individus de papier qui n'ont pas idée des gestes barrières. Mais non, il ne s'agit pas d'une concurrence entre mon existence et celle de héros fictifs, d'une échappée ou d'une évasion vers la fiction pour fuir le réel. Il s'agit au contraire d'une fusion entre ces deux plans d'existence. Oui, ma vie est faite de ces personnages, de leurs émois, de leurs intrigues, de leurs relations ou de leurs échecs. Ils ne sont pas mieux que moi, ni moins bien, ce ne sont pas des modèles ou des repoussoirs, ils font tout simplement partie d'une sphère que je dirais familière. Ils m'interrogent, m'inquiètent, me font rire. En fait, ils sont tout simplement devenus le fond et la forme de mon quotidien. Je sais pourtant bien qu'ils ne sont que fictifs, que je ne pourrai jamais les croiser au détour d'une rue, jamais les appeler ni prendre de leurs nouvelles. Et c'est bien mon drame et tout le paradoxe. Mon quotidien est la fusion de deux mondes, l'un réel, l'autre fictif, dont je sais pourtant bien qu'ils ne fusionneront jamais véritablement. C'est peut-être ça que vous avez du mal à digérer, Géraldine. Alors peut-être. Je suis sûre qu'on peut trouver des explications psychologiques, repérer des mécanismes d'addiction, j'ai lu des articles là-dessus, élaborer des théories cognitives, esthétiques sur ce rapport réel-fiction, sur par exemple la dimension réelle que prend la fiction, et inversement sur la part d'imaginaire qui constitue n'importe quel quotidien. Mais le problème reste celui-ci. Si la vie est bien cette fusion entre deux mondes, réel et imaginaire, la fusion totale sera toutefois toujours impossible, sans cesse recherchée, mais sans cesse rompue. Car un chapitre se clôt, une saison s'achève, et je ne pourrai jamais avoir 100 pages de rap de ce roman qui m'a tant ébloui. Il est fini, fermé. Et voilà que je doute. Et si je ne sortais pas enrichie par tous ces récits, mais abattue? Et si ma vie n'en était pas augmentée, mais diminuée? Je sais bien que personne ne pourrait soutenir ça. On fait habituellement plutôt les éloges des livres et des récits, des fictions. Le philosophe Jean-Paul Sartre, par exemple, capable de nous sortir ça en toute simplicité. J'ai commencé ma vie comme je la finirais sans doute au milieu des livres. Mais au milieu des livres, entre les livres, qu'est-ce qu'il se passe d'un récit à l'autre? Est-ce qu'il était déprimé, Sartre, à la fin d'une histoire? Et comment faisait-il? Et surtout, aurait-il pu répondre à cette question? Comment se remettre d'une rupture littéraire?